Come on, come on. Merci. Bonjour à tout le monde. Soyez tous salués. Bonjour, bon après-midi ceux qui sont au Gabon. Bon après-midi pour ceux qui sont en France. Parce que 10h27 dans l'état de l'Ohio, je crois que ça devait faire, sauf si je me trompe, 16h27 ou 16h28, ceux qui sont au niveau du Gabon. Et je crois que vous êtes déjà sortis de vos bureaux. Hein, c'est pour cela que j'essaie d'attendre là. Parce que maintenant, cette affaire de couvre-feu là, il faut vous apprêter à aller. Bon, je vais faire l'effort de ne pas être trop long parce qu'il faut que vous puissiez sauver vos unités pour vous permettre quand même de me suivre moins d'une heure. pour parler un peu, pas en profondeur, mais je vais vous donner les grandes lignes sur cette grande thématique-là. Qu'est-ce que ça veut dire vivre scientifiquement? Ben, d'ores et déjà, je peux vous dire ceci, que vivre scientifiquement, c'est vivre selon la connaissance. C'est aussi simple, hein? Je ne vais pas vous amener les mathématiques dedans, je ne vais pas vous amener la physique, je ne vais pas vous amener l'alchimie. Certes, je vais vous amener quelques notions de ce qu'on appelle probiotique. Les probiotiques, c'est une science révolutionnaire qui est née de la diététique scientifique. Donc la science diététique où il y a des gens qui ont des diplômes qui sont ce qu'on appelle des diététiciens, qui sont des spécialistes, qui font des études sur les aliments, qui connaissent un peu ce qu'on appelle en anglais des nutrition, nutrition facts, en d'autres termes, l'effet nutritif, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez récolter des nutriments. Hein? C'est-à-dire que c'est la science des nutriments versus ou la science des nutriments contre la science de ce que nous mangeons à l'état brut. Donc, il y a de la science. Ça, c'est peut-être scientifique. Mais rassurez-vous que quand je parle comment nous pouvons vivre scientifiquement, il s'agit de, pardonnez-moi, de venir vous motiver ici de pouvoir comment nous pouvons vivre mieux. Nous pouvons avoir le contrôle de notre vie. Mais peut-être c'est le mot scientifique. Mais scientifique, retenez bien, scientifique, il s'agit du savoir. Vous comprenez? Ceux qui sont religieux, ils s'en souviennent d'une parole qui dit quelque part que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Donc quand vous avez vraiment une abondance de connaissances, vous êtes libéré de pas mal de miasmes, de bas astral, de pas mal de superstitions et de pas mal de maladies. Parce que c'est ça l'objectif de cet entretien, de cette, comment dirais-je, de cette éducation de ce matin-là. Ok? J'ai essayé de me préparer, comme généralement je ne me prépare pas. Quand un sujet, les génies me balancent un sujet comme ça, que ce soit sur Tetanzambe, sauf que sur Tetanzambe, la version YouTube, nous avons un programme qui a été bien préparé déjà. Le programme, c'est sur les 10 bases de données qui vous permettent de mieux vous ancrer dans votre croyance ou votre religion. Maintenant, ce genre de sujet, je viens les balancer ici pour faire profiter à tout le monde. Mais je vous encourage, ceux qui me suivent et qui ne se sont pas encore abonnés ici, je vous en prie, s'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Tetanzambe, le Tout-Puissant Kana. Pardonnez-moi, il y a un reflet du soleil sur moi. Le soleil, ces derniers temps, vraiment, nous sommes gâtés. On s'est trop plaint qu'il faisait froid. Les températures, quand même, ça va, ça s'améliore un peu. On est à peu près à combien là? 10 degrés, 11 degrés. Donc, c'est pas mauvais. Donc, pardonnez. Hein? Pardonnez. J'essaye donc de faire tout pour avoir quand même, pour que vous puissiez bien me voir. Je ne sais pas si vous pouvez bien me voir là. Ok, j'espère que ça va mieux comme ça. Je ne sais pas. Est-ce que ça va mieux ou bien je suis trop flou là? Hein? Ou bien? Ok. Let's keep it that this way. Ok, maintenant. Disais-je, comment vivre scientifiquement? Vivre scientifiquement veut dire vivre selon la connaissance. Et vivre selon la connaissance veut dire que nous devons faire tout le possible de prendre soin de nous-mêmes. Ok? Ça, c'est un premier fait scientifique. Et deuxième fait scientifique, n'oubliez pas que quand je vous amène dans le monde spirituel, Dieu, celui que vous appelez Dieu, ou d'autres personnes appellent les Elohim, donc les grands génies qui sont venus avant nous, qui ont été créés par Teta Mwanga, nous ont créés à leur image. À l'image de Dieu, l'homme fut créé et après cela, l'homme devint l'image de Dieu. Bien. Comment on est devenu la ressemblance de Dieu? Nous sommes devenus la ressemblance de Dieu par une expression divine dans ce corps matériel. En d'autres termes, l'homme ou l'être humain que nous sommes Dieu exprimé. Nous sommes donc une divinité en un mot. Je ne vais pas vous amener dans un langage théosophique, théologique ou philosophique complexe. Dire tout simplement que, prenons l'être terre à terre, ce que les écrits disent. Dieu créa l'homme à son image et quand il a insufflé dans ses narines le souffle de vie, c'est-à-dire que quand il a mis, qu'on appelle ça, son esprit en l'homme, et c'est de là où l'homme est devenu Dieu. On devint Dieu comment? C'est lorsque notre esprit intégra ce corps. Parce que le corps était inanimé. Dans le sens même de nos jours, que lorsque vous n'avez pas éveillé votre esprit, vous êtes un mort vivant, on appelle ça. Nous, en tant qu'initiés, lorsque votre esprit n'est pas éveillé, vous êtes un mort vivant. Maintenant, aujourd'hui, là, je vais vous parler de trois points. Mais je ne vais pas rentrer dans la profondeur. Je reviendrai. Premier aspect, comment on peut vivre scientifiquement du point de vue alimentaire? Bien, c'est aussi simple. Il s'agit de sélectionner. Il s'agit d'abord de connaître son corps, votre morphologie. Sachez que chaque être humain a sa morphologie en fonction de votre ADN, en fonction de votre histoire familiale. Par exemple, moi, mon père, pour tous ceux qui connaissent la famille Rerambia, la famille Onouvié, au niveau de l'Ambaréné, nous sommes des costauds par nature. Mais il y a quelques changements de quelques frères, de quelques cousins. Par exemple, j'ai un cousin du côté Rerambia, qui est un grand frère dont je vous ai toujours parlé, qui est professeur. On a presque la même morphologie. Dieu seul sait pourquoi. Il y a l'influence adénique, soit du côté maternel ou du côté paternel. Ben, moi, il y a de cela 30 ans, 40 ans. Non, je dirais pas 40 ans quand même, je suis pas si vieux. Je dirais, il y a de cela 30 ans, je mesurais 1m80. J'étais à 1m80 de taille pour 77 kilos. Mais bientôt 20 ans que je suis aux États-Unis, c'est le pied qui change. Je suis parti de la taille 43 à la taille 45 au niveau de mon pied. Comment expliquer? Mais la science nous explique que c'est parce que je marchais beaucoup et j'ai fait des travaux où, ici aux États-Unis, on fait travailler que debout. On ne travaille pas assis. Bon, le fait de travailler debout, aller voir les malades, aller ici, à gauche, à droite, en dehors d'être derrière la voiture, votre pied s'allonge. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Bien, bref, mon cas, pourquoi je suis grand? Et pourtant, mon père avait une taille moyenne de 1m75 pour 90 kilos. Il était costaud. Par contre, ma mère faisait 1m85 de taille. Ça, c'était la taille de ma mère. Ma mère faisait mesurait 1m85 et elle était mince. Donc, vérification faite, malgré le fait de manger beaucoup les pizzas aux États-Unis ou manger même 10 fois par jour, je ne grossis pas, je reste tel que je suis. Donc, j'ai hérité ceci donc de ma mère. Je vais dire par là quoi? Que votre corps physique, selon votre morphologie, que ce soit un être qui est gros, maigre ou petit, ou maigre lait, vous devez observer ces éléments de base scientifiques. L'être humain, par loi conventionnelle, c'est-à-dire que les humains se sont entendus, c'est ce que j'appelle loi conventionnelle, ici même, sur Tetanzambe, le tout-puissant Kana, sur cette page, vous verrez que j'ai un enseignement où je parle des lois conventionnelles. Veillez, s'il vous plaît, pour approfondir votre connaissance sur ce que j'appelle les lois conventionnelles. Donc, par loi conventionnelle, veut dire que les humains s'entendirent pour dire qu'on doit manger seulement 3 fois par jour. D'accord? En Afrique, on observe ceci comme un rituel. Le matin au réveil, petit déjeuner. Moi, je m'en souviens au village. Souvent, ce que je prenais, c'est quoi? Je prenais le timba. Le timba veut dire les tubercules que la grand-mère a préparé la veille. Je vais mettre ça donc sur le grillage, faire chauffer ça. Je vais prendre ça avec le thé. Le thé de la tisane gabonaise, la tisane africaine, que je vais sucrer soit avec du miel ou avec la canne à sucre. C'est comme ça que j'ai été élevé. Et maintenant, au milieu de la journée, entre midi et 14h, nous avions un repas plein. Bon, moi, j'ai eu l'influence beaucoup plus du côté des parents Kota là-bas, donc ma grand-mère Sake. Alors, nous mangeons soit du nkoumou, et ça dépendait, c'est pas tous les jours qu'on mangeait le nkoumou. Il y a des jours où on mangeait le nkoumou, d'autres jours c'était les feuilles de manioc pilées, d'autres jours c'était plutôt les tubercules de manioc qui avaient été mis au paquet, donc au feu, mélangé avec les crevettes, avec la silure, voyez-vous, et quelques feuilles amères. Et le lendemain, la chance que j'ai eue, c'est que depuis le jeune âge, je n'ai jamais été exposé aux animaux, aux viandes. Donc, voilà pourquoi j'ai dû maintenir un peu ce régime de végétarien, bien que je triche un peu en mangeant du poisson. Donc, la viande, je ne touchais pas du tout. Bref, cette habitude dépend de chaque famille. Mais vous savez que le monde vit en décadence totale. La science évolue. D'accord? Je suis toujours sur les aliments. Donc, les aliments que vous consommez peuvent modifier votre état métabolique. Peuvent modifier, en d'autres termes, votre métabolisme. Peuvent modifier votre corporation. Je voulais dire votre corps. Peut modifier beaucoup de choses. Peut même modifier votre taux de réflexion. Peut même modifier la taille de vos, les membres de votre corps. Que ce soit la grosseur des seins, que ce soit ceci, cela. Il est vrai qu'il y a un phénomène adénique. Mais je répète que à cause de la nomenclature, à cause de votre vie de, on appelle ça comment? À cause de l'adaptation, à cause du milieu dans lequel vous êtes, il y a par habitude et par accoutumance certaines influences extérieures qui peuvent modifier votre métabolisme. Donc, les aliments. Alors, faisons très attention pour nous qui venons, par exemple, dans les pays des Blancs. Si vous laissez le manioc, là, tout à l'heure, vous avez vu, je mangeais quelque chose. J'ai consommé mon iboga. Et là, vous avez vu quelque chose. Ça, c'est un mélange du gingembre, du citron, de l'ail et le miel sauvage. C'est ça là que je consomme. Ça, je vous avais fait cette bouteille depuis que le corona avait démarré. C'est ce que je prends. Un peu le matin, un peu le soir. Et je voyageais partout, je suis passé. Mes tests ont été toujours négatifs. Je n'ai aucun problème, je ne connais pas les histoires de corona et je n'ai pas besoin de leur vaccin. Aliments. Pour me résumer, je ne parle pas en tant qu'expert, s'il vous plaît, en nutrition. Mais les échanges ou les connaissances que je viens échanger avec vous, c'est ma propre expérience. Aujourd'hui, j'ai 1,77 m pour 76 kilos. Je répète, j'ai 1,77 m pour 76 kilos. Ok? Je suis sûr que je vais remonter à 80 kilos parce que pendant les 3 à 4 semaines, là, presque un mois, je n'ai pas soulevé de poids, non, pas de musculation, je n'ai plus fait les pompes, mais je faisais plutôt la méditation, le yoga, méditation, yoga, bon, un peu les kata, les arts martiaux, quoi. Parce que ça étire les muscles. Donc, c'est un peu la raison. Mais je peux dire que la moyenne de mon poids, c'est entre 77 et 78. D'accord? Pour 1,77 m. Ceci étant, j'ai modifié mon régime alimentaire en fonction de mon âge. Parce que votre âge plus vous évoluez en âge, il y a de fortes chances que votre corps peut subir des changements physiologiques. Vous pouvez être exposé au diabète, vous pouvez être exposé aux maladies cardiaques, même si ce n'est pas dans le sang. Vous comprenez? C'est-à-dire que même si ce n'est pas dans la famille. Alors, les modifications n'étaient pas assez importantes. J'ai plutôt maintenu mon régime alimentaire de être végétarien. Au lever le matin, pour aller un peu plus vite, je ne vais pas vous garder longtemps. Le matin, lorsque vous vous réveillez, voici ce que je suggère. Dès que vous sautez de votre lit, en dehors des techniques spirituelles, puisque la majorité qui me suivent ici, je vois, il y a mon administratrice qui est là, je vois, il y a pas mal de personnes qui sont ici, je parle de mon administratif. Administratrice dans nos affaires de Tétan També, le tout-puissant Kana, des forums et tout, c'est elle qui est derrière la, tout cela, et les séminaires. Donc, ces personnes-là savent, quand il s'agit de trucs spirituels qu'il faut faire au réveil, moi je ne veux pas rappeler, parce que là je suis suivi par le public, parce que vous avez dit, non, le sorcier là-bas nous raconter quoi. Mais là je viens parler de manière générale. Maintenant, vous vous réveillez le matin, vous prenez ceci, 2 ou 3 verres d'eau. Vous voyez, c'est de l'eau plate. C'est de l'eau plate, hein. Ça, c'est de l'eau plate, c'est-à-dire que ça ne doit pas être glacé. Donc, dès que vous buvez cette eau, et ensuite, permettez-moi, je vais aller dehors pour démontrer la technique. Donc, je vais vous la démontrer, pardonnez-moi. Voilà la technique que vous allez faire. Une fois, vous êtes réveillé donc le matin, donc vous avez, vous voyez, vous êtes pieds nus, vous vous asseyez comme si, d'accord? C'est comme si ceux qui sont au village là, en Afrique, c'est comme si vous voulez vous asseoir sur le cabinet. Donc vous vous asseyez comme ça. Vous restez là pendant au moins 1 heure ou 2 heures. Ok, je vais me rapprocher, pardonnez-moi. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous poussez et vous vous asseyez. Pardonnez-moi. Et vous vous asseyez ici. Vous montez. Vous poussez pendant au moins 1 minute. Et vous regardez, et vous revenez. Vous poussez pendant 5 fois. Et après, Vous poussez ici 1, 2, jusqu'à 10. Et vous changez. Vous poussez ici jusqu'à 10. Vous changez. J'en ai terminé. Je vais maintenant vous expliquer qu'est-ce que cette technique veut dire. Mais en fait, je peux vous l'expliquer pendant que je marche. Cette technique vous aide donc à favoriser, à chier. C'est-à-dire à favoriser la sortie des excréments. À favoriser la sortie de tout ce qui était dans le ventre. En un mot, ça vous facilite donc de vite aller aux toilettes. Pourquoi? Parce que quand vous ne chiez pas, quand vous n'allez pas dans les toilettes, au moins une fois dans la journée, vous serez malade. Selon le Qing Kong, selon la science, c'est prouvé. Et c'est pour cela que beaucoup de gens tombent malades. Donc, cet exercice donc va vous aider, non seulement de vous aider à pouvoir évacuer tout, d'accord? Vous avez bu votre verre d'eau, l'eau là vous aide, parce que cette eau vous a aidé, plus la technique que je viens de faire, vous vous étirez, vous gardez votre colonne vertébrale droite et vous poussez, vous posez les fesses par terre, vous poussez, vous posez les fesses par terre, faites ça pendant 3, 4, 5 fois et vous vous étirez de côté. Une fois que vous avez fini, je vous dis naturellement, vous aurez envie d'aller dans les toilettes. C'est la première technique. Maintenant, une fois que vous avez fait ceci, naturellement, vous vous brossez vos dents, vous descendez à la cuisine. Première chose que vous devez mettre dans votre bouche, ce sont les fruits. Prenez un ou deux fruits, ça va. Après les fruits, laissez passer au moins une trentaine de minutes, faites une méditation. Ceci doit se passer entre 5h30 du matin et 9h. Faites tout ceci entre 5h30 du matin et 9h. C'est durant ce temps que tout ce qui concerne le ventre doit être consommé. D'accord? Et après, vous pouvez prendre des céréales. Les céréales avec du lait végétal ou du lait de bœuf. Je ne veux pas être exigeant. Normalement, moi, je ne prends pas le lait de vache. Mais vous pouvez, si vous voulez prendre du lait de vache, vous pouvez prendre le lait. Moi, je suggère le lait végétal, donc le lait de riz ou le lait des qu'on appelle ça des amandes. Ok? Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez vous doucher, vous pouvez faire ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, pour ceux qui sont avec moi ici aux États-Unis, au pays de Balan, vous devez aller au travail, n'est-ce pas? Donc, vous avez pris donc vos céréales et le lait. Ça, c'est déjà un bon petit déjeuner de base. Et le bon repas doit être sélectif également. Et dans votre repas, rassurez-vous que dans votre repas, vous aurez là-dedans toutes les vitamines. La vitamine A, la vitamine B, donc de la vitamine B1 jusqu'à la vitamine B12, en passant par la vitamine B6. Je dis bien de B1 jusqu'à B12. Et dans ces aliments également, rassurez-vous que vous avez la vitamine E. Rassurez-vous que vous avez également la vitamine K. Et il y a des aliments, malheureusement, je ne peux pas donner toute la liste. Ça veut dire que tout ce qui est légumes, il y a certains légumes avec certains aliments où vous allez trouver ces machins-là. Par exemple, il y a ceux qui consomment les viandes. Je suggérerais de manger la dinde ou encore les poules de chenoux, c'est-à-dire les poulets durs. Et ces poulets durs, on les trouve où? En Europe et ici. Ça, il faut les consommer comme votre petit déjeuner avant midi. Vous pouvez bien manger, d'accord? Parce que le meilleur repas, c'est celui qui se consomme souvent le matin. Je répète, entre 5h30 et 9h30, voire 10h. Vous vous remplissez. Donc, c'est cette nourriture qui va vous donner l'énergie pour le reste de la journée. Maintenant, entre midi et 15h, vous pouvez manger. Manger, normalement, c'est que vous avez l'habitude de manger. Je ne peux pas vous interdire. Mais évitez tout ce qui est gras. Évitez tout ce qui est gras, surtout si vous ne faites pas du sport. Je répète, évitez tout ce qui est gras, surtout lorsque vous ne faites pas du sport. Parlant des aliments, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant à partager également avec vous. Maintenant, aux États-Unis, parce que nous sommes tellement en mouvement, on travaille comme des fous, ainsi de suite, il y a certains scientifiques qui se sont retrouvés et ils ont créé quelque chose d'intéressant. Ça s'appelle The Freedom from the Radicals. Freedom from the Radicals. Bien. Freedom from the Radicals veut dire quoi? Je vais chercher, mais moi-même là en français, je ne sais pas. Pardon, aide-moi ici là, ma secrétaire, mon administratrice. Freedom from the Radicals, en d'autres termes, liberté, la liberté. Nous, notre corps est bombardé par ce qu'on appelle des radicals. Qu'est-ce que c'est radicals? Je vais vous expliquer. Bien. Pardonnez-moi, je n'ai pas eu le temps de chercher. The free radicals are oxygen-containing molecules with uneven numbers of electrons. An uneven number allows them easily to react with other molecules. The free radicals can cause large chain of chemical reactions in our body, causing them to react easily with other molecules. Bon, ça c'est trop complexe là. C'est que je vais vous expliquer en français, puisque moi-même, je l'expérimente. Notre corps à nous, partant de l'extérieur. Merci beaucoup, Obama. Voilà, mon administratrice vient de m'expliquer. Les radicaux libres. Ces radicaux libres-là, c'est quoi? C'est qu'au cours de la journée, dès qu'on se réveille, là, dans la maison, voilà pourquoi on vous recommande, ça c'est des bases même spirituelles, mais je vais vous donner ça gratuitement. On vous recommande toujours d'ouvrir les volets, même s'il fait froid, mais le jour où il n'y aura pas une forte température, ouvrez vos volets, donc les fenêtres. Pourquoi? Parce que les radicaux libres, en fait, non seulement ce sont des molécules qui voyagent dans l'espace et le temps, mais la plupart de ces molécules sont négatives et nocives. Parce que ça provient de quoi? Ça provient des effets de gaz des véhicules, des effets des avions qui volent, qui font du bruit, comment on appelle ça? Des effets des chiottes des chiens, des effets de beaucoup de choses. Donc, tout cela bombarde l'homme. Et c'est ça là qu'on appelle le free radicals. Et ça, donc, ça menace la santé de l'homme. Du point de vue de votre mental, du point de vue de votre cœur, l'air que vous respirez, la pollution et même les habits que vous portez, je vous informe que la plupart des habits que j'ai ont en moyenne entre 10 et 25 ans et le tissu est toujours solide. Ça là, c'est en 1998 que ça là, j'ai amené ça du Gabon. Regardez, ça me suffit et ça brille toujours. Tout comme l'autre qui est bleu et bien d'autres. J'en ai au moins 5 ou 7 comme ça. Mais pourquoi? Parce que cette grande société scientifique a mis en place un détergent qui vous permet donc, quand vous mettez mélange à l'oreille, ça vous libère de ces radicaux, libres. Bon, maintenant, pour trouver une solution à cela, parce que même les aliments nous créent ce qu'on appelle les radicaux libres. Les aliments que nous consommons, si vous ne lavez pas vos fruits avant de les consommer, si vous ne lavez pas la viande avant de les préparer, si vous ne lavez pas le poisson, les mains, là-bas vous allez toucher, la portière, le volant de ma voiture, certes je suis le seul conducteur, parce que l'autre véhicule qui est là, le tout petit, qui a à peine seulement 7 mois là, il est tout neuf. Depuis que mon fils propriétaire, là, bien que c'est moi le propriétaire, je ne conduis pas ça. Même en touchant le véhicule, vous pouvez attraper ces radicaux libres-là. Faites très attention. Donc, ça, c'est une nouvelle expression scientifique que vous devez apprendre à partir d'aujourd'hui, que ce qu'on appelle les radicaux libres, ce sont des molécules qui se dégagent dans l'atmosphère, mais sous diverses formes, sous la forme des paroles, sous la forme des bouches qui sentent, sous la forme de paix, sous la forme des gaz, et de n'importe quoi, les pollutions, votre chambre à vous, où vous avez fait peut-être les mauvaises choses qu'on appelle les choses impolies, mais vous n'ouvrez pas les volets, cette odeur, cette ambiance, bref, pardonnez-moi, mais je rentre, si je rentre dans les détails, je risque de vous garder des heures et des heures. Maintenant, voici la solution qu'ils trouvèrent. La solution donc qui a été trouvée est la suivante. Donc, parlant toujours des aliments, voilà quelque chose qu'ils appellent Total Health. Je vous ai toujours parlé de ça. Total health is the solution to get rid of all free radicals. Ça veut dire quoi? Ce total health veut dire tout simplement une forme de 5G. Avec ça, quand vous les consommez, vous voyez, c'est écrit là, c'est clair, vous pouvez lire en anglais. Take with food, ça veut dire apprendre avec les aliments. Donc, vous mettez ça en bas, avant de consommer quoi que ce soit. Je vous explique. Là-dedans, vous avez la vitamine A, vitamine B1, jusqu'à vitamine B12, vitamine C, vitamine D1, la D3, la vitamine D3, D4, la vitamine K, la vitamine E2. Est-ce que vous avez entendu des vitamines qu'on appelle vitamine D2, D3, vitamine K, vitamine E5, vitamine E2? Vous voyez, la science a évolué, c'est ce qu'on vous dit, comment vivre scientifiquement. Donc, voilà pourquoi ils ont mis en place donc ceci. Vous voyez, là, il y a l'une qui dit AM, donc le matin, là, je vais en prendre quelques-unes là, bientôt, avant midi. Et l'autre, c'est PM. À quoi ça sert? Donc, c'est parlant toujours des radicaux libres. Ça, ce sont des médicaments, pas des médicaments, ce sont des vitamines, des gélules qui sont faites à base de gélules naturelles, à base de plantes naturelles, qui ont été extraits de certaines plantes et de certaines racines et même tubercules de chez nous. La plupart viennent de l'Afrique, viennent de l'Inde, viennent du Brésil. Voilà, des Philippines. Là, par exemple, je vois quelques informations qu'on vient de me balancer. Par exemple, tout ce qui est pour la vitamine A et E, les calciums, et ensuite, il y a quelque chose qu'on appelle l'lycopène, il y a quelque chose qu'on appelle la vitamine K, donc qui sont la vitamine K2, la vitamine D3, la vitamine COQ10+, la vitamine... voyez, il y a des vitamines complexes que moi, je ne peux pas développer parce que, écoutez, c'est pas ça. Mais juste pour vous dire que ceci a été extrait des plantes naturelles. Et l'objectif, donc, de ceci, vous trouvez tout dedans, c'est pour justement vous aider à vous en débarrasser de ce qu'on appelle les radicaux libres. Par exemple, il y en a pour le cerveau là-dedans. Pour le cerveau, ça s'appelle... pour le cerveau, quelque chose pour le cerveau là, ça s'appelle le cellwise. Le cellwise, c'est pour renforcer les cellules du cerveau, pour empêcher les cellules du cerveau de péter n'importe comment ou de subir, justement, nettoyer ces radicaux libres du cerveau. Il y en a d'autres. Bref, c'est toute une liste. Ça, c'est un exemple. Donc, maintenant, les Américains ont dit que non, nous, on va pas trop d'histoire là. Il faut prendre ceci, il faut aller derrière le jardin. Donc, ils ont créé ceci. Ça vous permet donc de vous nettoyer. Donc, les radicaux libres, ce sont, si vous voulez, des agents nocifs pour votre corps que vous attrapez à travers l'environnement dans lequel vous vivez. Et vous pouvez l'amener dans votre maison. Les chaussures que vous portez peuvent amener ces radicaux-là libres dans votre maison. Les portes, tout partout, là où vous travaillez, ainsi de suite. Voilà, là nous avons fini avec les aliments. Retenez tout simplement que le matin au réveil, c'est l'aliment le plus important. Et le soir avant de dormir, il faut manger léger. Il faut manger vert. Vert veut dire salade légère avec un œuf ou quelque chose. Et boire un verre de lait ou un verre d'eau, ça va. Ne buvez pas beaucoup d'eau avant de dormir. C'est ce que je peux dire en résumé. Deuxième aspect, prière. Pourquoi la prière doit être scientifique? Là encore, vous allez me demander de qu'est-ce que la prière a eu à voir. Mais justement parce que l'homme est composé de plusieurs corps. Il y a le corps physique qui a besoin des aliments. Il y a le corps spirituel aussi qui a besoin de certains aliments pour pouvoir vivre en harmonie avec le monde extérieur. Les cellwise ou encore the total health for the free radicals ou pour les radicaux libres, ça c'est pour votre corps physique, pour permettre votre corps physique d'être armé contre ces agents nocifs-là. C'est-à-dire les radicaux libres, pour éviter qu'ils viennent vous attaquer, alors vous prenez ceci. Contre des microbes, contre des germes, contre ceci et cela. Mais maintenant, dans le plan mystico-spirituel, vous n'avez pas besoin de bas radicaux. Non. Les radicaux libres, certes, vont permettre votre corps de fonctionner de manière harmonieuse pour que votre âme ne soit pas atteinte. Mais vous pensez que le sorcier, vous pensez que le démon, ou je ne sais pas trop qui, ou les esprits de l'au-delà, vont se soucier de votre radicaux libre, hein? Ils s'en foutent. Voilà pourquoi la prière. Mais quel genre de prière je parle ici? Je ne parle pas d'une prière récitale, mécanique, mais je parle de prière scientifique. Mais pour que votre prière soit effective de manière scientifique, il vous faut maîtriser pas mal d'éléments au niveau de votre corps. C'est-à-dire qu'il faut connaître comment fonctionne votre corps. Parce que la plupart des gens m'ont toujours dit, mais monsieur Moiret, je tente de me mettre à genoux, je prie, et pourtant je vais à l'église. Et même des pasteurs qui disent, on prie, ceci, cela. Bon, sauf certains pasteurs qui connaissent ces secrets-là, qui connaissent la mécanique, ce que je vais vous divulguer ici. Ce n'est secret de personne. C'est que les pasteurs qui opèrent des miracles, qui peuvent faire marcher un homme infirme, qui peuvent vous permettre d'avoir des enfants, quoi, c'est ça là que je vais partager avec vous. C'est en fait ça qu'on appelle la véritable prière scientifique. Qu'est-ce que c'est une prière scientifique? Avant d'en arriver dans la pratique de la prière scientifique, faut-il d'abord vous rappeler que pour que vous ayez cette prière scientifique effective, efficace, il faut d'abord connaître l'intérieur de votre corps. Je ne parle pas de l'extérieur, je parle de l'intérieur. C'est-à-dire, il faut bien étudier vos corps subtils. Mais ces corps subtils, ça commence à partir d'où? Le cœur, vous n'avez pas besoin d'étudier le cœur. Vous savez que le cœur est le siège de tout. C'est un organe, on peut le voir, comment il bat, comment il bouge. Mais je parle des corps subtils tels que les corps psychiques, le corps mental, le mécanisme de fonctionnalité de ce qu'on appelle le conscient, l'inconscient et les subconscients. Donc, il vous faut des bonnes connaissances de base sur d'abord ce côté-là qu'on appelle le côté paranormal. Parce que le paranormal, c'est quoi? C'est quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer à l'état normal. Par exemple, la foi. Dans la définition de la foi, que la foi, c'est la ferme attente des choses qu'on espère, la claire démonstration des réalités que l'on ne voit pas, mais que nous sommes sûrs que ceci va se passer. Et que, quelque part, il faut seulement croire, et quand vous croyez, vous avez déjà reçu. Vous voyez? Ça, c'est comment expliquer cela. Et pour cela, je veux vous dire que c'est important de connaître comment le subconscient fonctionne. Et au niveau du subconscient, nous avons, quand je dis nous, ça c'est moi personnellement, et j'ai examiné auprès d'autres initiés, des sciences avancées, ils m'ont dit oui, vous n'avez pas tort, monsieur Onouvi, on vous donne le feu vert sur ça. Parce que je peux pas venir vomir des choses, dire n'importe quoi, si ça n'a pas été testé et vérifié. Et moi-même, je pratique cela au quotidien. C'est ce que je fais quand je prie pour certaines personnes qui sont chrétiennes, ou des musulmans et autres. Et ça marche très bien, efficacement. Donc, le secret est lequel? Un, qu'est-ce que c'est le subconscient individuel? Votre subconscient individuel, il faut d'abord le connaître. Comment? C'est quoi ça? Mais votre subconscient individuel, c'est cette chambre secrète-là que vous pouvez volontairement provoquer afin de créer des miracles dans votre vie. Maintenant, nous les scientifiques, dans une science qu'on appelle la parapsychologie et même en psychologie, on appelle ça la surexcitation du subconscient. Donc, surexciter votre subconscient individuel veut dire quoi? Répéter la même chose, dire et dire et dire et dire. Et c'est ainsi qu'à force de dire ça, vous mettez toute votre foi, vous mettez tout votre esprit, comme le Jésus des chrétiens avait dit que, mais si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces, de toutes tes énergies, alors tu verras que les choses vont se manifester miraculeusement. Et l'apôtre Paul, qui est le créateur du christianisme, a dit dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11, verset 6, que, voilà ce qu'il a dit, que celui qui croit en Dieu ne dise pas que, oh Dieu donne-moi, oh, oh Dieu rien, oh, non! Il ne doit pas dire ça. Il doit déjà croire que ce qu'il désire, il y a déjà entre ses mains. Que ce qu'il désire, il est déjà en possession de ça. Donc, par rapport à cela, donc, voilà ce qu'on appelle donc la surexcitation de votre subconscient individuel. Votre subconscient individuel, vous le surexcitez par des messages positifs. C'est-à-dire que ça, vous dites par exemple que, voilà, ce boulot-là, je le vois, ceci, cela, et ainsi de suite. Maintenant, là, vous allez ajouter d'autres techniques qu'on appelle en parapsychologie les techniques de visualisation. Donc, pour que votre prière soit efficace, retenez bien, le premier élément qu'il faut bien connaître, c'est d'abord comment fonctionne votre subconscient. Le subconscient, si vous voulez, c'est votre esprit que Dieu a mis en vous, ce que j'appelle la carte magnétique. Donc, il faut savoir surexciter ça. Parce que c'est ça là qui vous permettra de vous connecter avec le subconscient universel, c'est-à-dire vous connecter avec celui que vous appelez Dieu ou encore avec les génies. Maintenant, ça, c'est le premier point qu'il faut retenir, c'est que, au niveau du subconscient, il faut savoir comment jouer avec. Donc, vous apprenez à parler à vous-même. Et quand vous apprenez à parler avec vous-même, ça veut dire quoi? Ça va au fur et à mesure vous rapprocher de celui que vous appelez Dieu. Donc, il y a une connexion normale et naturelle qui se crée. Voilà une prière scientifique. Vous n'avez pas besoin de crier comme un fou. Vous n'avez pas besoin de dire, oh Jésus, ou bien Yehovah, ou quoi. Il suffit de dire que moi, Bwanga Baganga, je suis né pour être heureuse. Et je me vois heureuse. Je me vois dans un milieu paisible. Je me vois dans un milieu où j'ai tout. Je me vois avec les euros. Je vois 5 millions d'euros. Vous parlez comme ça tous les jours. C'est ce qu'on dit que rêver, il y a des rêves immatériels, mais qui se matérialisent. Le rêve est une forme de conjonction et d'injonction des paroles de surexcitation qui peut vous permettre de matérialiser vos vœux les plus profonds du cœur. Parce que mon rêve un jour, c'est de devenir ceci. Mon rêve un jour, c'est de devenir docteur. Mon rêve un jour, c'est de devenir journaliste. Mon rêve un jour, c'est de devenir conférencier international. Et alors, vous créez maintenant ce qu'on appelle dans la parapsychologie, les techniques de ce que nous appelons, en parapsychologie, autant moi, pardonnez-moi d'être tautologique, les techniques de la visualisation. Donc, vous visualisez, vous créez des images de ce que vous voulez être ou de ce que vous désirez être ou de ce que vous désirez recevoir. Voilà comment, là, c'est le deuxième état. Donc, au niveau de vos corps subtils, je me répète, comme je l'ai dit, que pour que votre prière soit efficace, ça, c'est les premières étapes. Donc, un, apprendre à connaître d'abord comment fonctionne votre subconscient afin de pouvoir surexciter ce subconscient-là. Comment ça se passe? Je viens presque de répondre à cela, mais de manière tout à fait succincte à cause du temps. Et ensuite, permettre votre subconscient individuel pour se connecter avec le subconscient universel ou le subconscient divin, puissant, fondamental. Et cette connexion, j'ai appelé ça, la vidéo elle est disponible sur Tétan Tambel, le tout-puissant Canaan, version YouTube, où je vous prie de vous abonner. La vidéo est intitulée la carte magnétique. Comment surexciter la carte magnétique que Dieu nous a donnée? Mais cette carte magnétique, qui est une forme de puce, qui est une forme de carte USB, cette carte USB que Tétain Monga a mis en vous, c'est ça là, le subconscient individuel qui vous permet par la surexcitation volontaire, par des manipulations psychologiques, vous répétez, et c'est ce que, comment on appelle ça, les hypnotiseurs des spectacles utilisent. C'est ce que les magiciens des spectacles utilisent. Le magicien de spectacle qui va percer la main de quelqu'un, qui va mettre quelqu'un flotter dans les airs par la lévitation, il n'y a aucun démon, s'il vous plaît. Ce n'est pas des démons, mais c'est plutôt de l'étude. Et dans cette étude, c'est quoi? Mais c'est le mécanisme des fonctionnalités de votre subconscient. Parce que le mec réussit par des phrases répétitives, par des phrases manipulatives, vous entraînez à vous soumettre à pouvoir exécuter des demandes en fonction du taux vibratoire, en fonction des commandes qu'il va lancer. Donc la personne donne des commandes. Et ce sont ces commandes, puisque il y a certains médecins. Par exemple, le grand médecin Faria, au 15e, je voulais dire, au 19e siècle à Paris, c'était un médecin indien, et il faisait des opérations par la technique hypnotique. Il faisait des opérations par la technique hypnotique. C'est-à-dire, il hypnotisait les malades par des phrases répétitives. Il entraînait le malade à ne même pas avoir une douleur. Et c'est comme ça, par exemple, le médecin, à partir du 9e jusqu'au 12e siècle, faisait des opérations au niveau du crâne. On faisait cette technique d'hypnose. Mais la technique d'hypnose était tout simplement l'opérateur ou le médecin traditionnel, même dans nos villages. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ouvrent les cerveaux, des gens avec les machettes. Mais comment la personne va le faire sans avoir une douleur? Parce que ils ont des feuilles qu'ils utilisent. Bref, la maîtrise donc de ces corps subtils est très importante, notamment le subconscient. Ensuite, il faut connaître la technique de la visualisation. Et de la technique de la visualisation, il faut également entraîner une autre technique qu'on appelle la technique de méditation, et la technique de concentration, et la technique de bilocation. Voyez-vous? Donc, tous ces mécanismes de l'étude complexe du mental, le vrai homme spirituel, qui veut vivre de manière scientifique, indépendamment des religions, indépendamment des sectes, doit savoir cela. Maintenant, le point final, c'est lequel? Une fois que vous connaissez tous les mécanismes des corps subtils, vous pouvez maintenant enchaîner avec la véritable science religieuse. C'est-à-dire, souvenez-vous qu'il y a quelqu'un qui a dit, en vérité, je vous le dis, que celui qui prie Dieu, prie Dieu en esprit et en vérité. Donc, prier Dieu en esprit veut dire quoi? Vous n'avez pas besoin de crier comme de fous. Vous maîtrisez déjà la concentration. Vous maîtrisez déjà la méditation. Vous maîtrisez déjà la visualisation. Vous maîtrisez maintenant la manipulation de votre subconscient. Il suffirait que vous fermez les yeux. Maintenant, en esprit. Donc, en esprit, vous vous connectez à votre égrégore. Vous vous connectez à votre Dieu, que ce soit un Jésus, je ne sais pas trop qui. Vous vous connectez. Mais dès que cette connexion est déjà possible, puisque l'égrégore est une entité réelle, hein, c'est une énergie réelle, cette entité va se connecter automatiquement à vous. C'est-à-dire que vous êtes donc câblé. Par ce câblage, ou encore par cette technique, vous êtes en diapason direct avec l'entité, ce qui fait que, naturellement, en esprit, vous êtes un. Et maintenant, deuxième phase, disent les religieux, que celui qui prie Dieu aussi le prie comment? En vérité. Mais en vérité veut dire quoi? Maintenant, c'est là que vous allez utiliser les paroles que cet égrégore-là vous avait laissé avant de partir. Parce que ce monsieur-là, avant de partir, vous avez dit qu'attention, en vérité, je vous le dis. Tout ce que vous demanderez à mon nom auprès du Père, vous le recevrez haut. Et maintenant là, en vérité, je vous le dis. Dites déjà que moi j'ai déjà reçu. Dites ceci, que j'ai amené toutes mes peines au pied de la croix. Au pied de la croix, je viens déposer mes fardeaux. Parce que sur cette croix, tu as pris mes péchés. Parce que sur cette... Bon, voilà, là vous faites ce qu'on appelle prier Dieu maintenant en vérité. C'est-à-dire, vous déclarez des vérités conformes à votre religion. Et c'est comme ça le grand secret de réussite des grandes prières miraculeuses. Parce que vous verrez certains pasteurs qui vont dire, au nom de Jésus, parce que Seigneur, tu dis dans ta parole, et dans ta parole tu as déclaré, en vérité, je vous le dis, que moi, l'Éternel, je suis un Dieu de projet de bonheur. J'ai un projet de bonheur pour vous et non un projet de malheur. Et je le déclare en vérité. Celui qui doute, ce n'est pas de sa faute parce que je suis le Dieu qui change l'eau en vin. C'est ce qu'on appelle prier en vérité. Maintenant vous n'êtes pas un chrétien pour aller crier comme un fou comme ça. Le musulman fait la même chose. Alhamdulillah, Allah Akbar, Alhamdulillah, Allah, tu as déclaré dans ta parole. Ceci, cela. Vous citez. Voilà ce qui est de la prière, comment prier scientifiquement. Pour me résumer, ça a été peut-être un peu trop long, pardonnez-moi. La prière scientifique, elle est composée de deux socles. Le premier socle qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut d'abord, là je m'adresse aux initiés, vous n'avez pas besoin d'aller crier dans les églises. Même un véritable initié doit prier. Prier ne veut pas, c'est la communion avec l'au-delà, c'est communier avec vos ancêtres. C'est pareil même quand vos ancêtres, vous les appelez, c'est la même règle. Parce que moi, heureusement, je connais tous mes machins, tous mes entités, toutes mes entités, mes ancêtres qui sont partis avant moi. Mais est-ce que je connais l'arrière-grand-père de Igongo qui était la grand-mère à mon grand-père? Je connais pas son arrière-grand-père. Donc, quand je veux me concentrer sur Igongo, je dirai à Igongo, oh, Igongo, non bamba imbambi yo e kambage ni butawe ko kamba ni monga mino we monga ya ni we na bambo ni mongi mesono we akaga ni mongo na mende muyimbi yibira yonginya yonginya mbuwe ami na momba na genje yibira. Maintenant, quand vous dites ça, mais automatiquement votre arrière grand-mère va transmettre le message auprès de ceux que vous connaissez pas. Mais que ceci soit possible non seulement par le verbe, mais vous avez maîtrisé ces étapes. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on avance au dernier point. Le dernier point, je ne veux pas être pornographique, s'il vous plaît. Je parle de manière scientifique. Maintenant, comment vivre scientifiquement du point de vue sexuel? Mais parce que j'ai constaté ceci. C'est d'abord un constat amer. Nous vivons dans un monde où on est bombardé de stress. On est bombardé des abus de tout genre. Où on est bombardé dans l'environnement direct et indirect. On voit des choses qui nous énervent. On voit des choses qui ne nous plaisent pas. On est sensible à toute forme d'éléments. On a tout à l'heure parlé de quoi? Des radicaux libres. Ces radicaux libres, effectivement, peuvent contribuer à notre faiblesse sexuelle, à notre sécheresse vaginale chez la femme. Même si elle a 19 ans, mais elle peut perdre cette envie d'avoir des rapports. Et c'est ce que les scientifiques appellent sécheresse vaginale. Chez l'homme, on appelle ça dysfonctionnement érectile. Donc, tous ces phénomènes de société qui contribuent à l'affaiblissement sexuel de l'homme, c'est à cause des radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont les poisons. Les poisons de tout genre. Recevez la vidéo au début, j'ai déjà expliqué ce que c'est les radicaux libres, c'est ce qu'on appelle les free radicals. Ok? Maintenant, si vous êtes victime de ces radicaux libres, vous avez le stress scolaire, vous êtes étudiant, le professeur vous a donné une mauvaise note, vous avez votre ex qui vous emmerde. Il continue à vous emmerder parce que vous avez un enfant. Il continue à vous envoyer des textes. Oh, moi, je vais t'envoyer 1 million, vraiment. Toi, tu me charmes. Hein. Oh, ceci, cela. Donc, ça, c'est autant des radicaux libres. Retenez cette expression à partir d'aujourd'hui. Donc, ces radicaux libres-là, c'est quoi? C'est toutes les paroles nocives. C'est les ambiances négatives. C'est des gouvernements qui rendent les hommes maintenant impuissants à cause de la mauvaise gestion publique du gouvernement. Parce que, quand, au niveau des gouvernants, vous constatez que il y a des choses qui ne marchent plus bien. Le gouvernement annonce de nouvelles bizarres. Oh, maintenant, il faut emboîter les pas. Vous ne devez plus sortir. Le monsieur a peut-être 3-4 bureaux. Maintenant, il constate que le bureau numéro 3, c'est la petite qui le fait vraiment sauter de plaisir jusqu'au 7e ciel. Et la femme qui est à la maison, elle est là. Il n'est pas tapouf. Pardonnez-moi, j'ai le respect pour les mamans. Mais le monsieur néglige sa femme qui est à la maison. Elle est aussi stressée. Elle a des problèmes. Donc, elle grossit n'importe comment. Parce que, comme vous le savez, homme comme femme, hein, souvent, on grossit quand on est trop stressé. Moi, c'est le contraire. Quand je suis stressé, moi, j'ai maigri. Je deviens maintenant squelettique. Mais d'autres, par contre, vous commencez à manger n'importe comment. Vous commencez à tourner à gauche, à droite. Vous commencez à dire n'importe quoi. Gifler même les enfants. À dire des mots qu'il ne faut pas dire aux pauvres enfants. Donc, tout ça, ce sont des radicaux libres. Les radicaux libres, justement, ce sont ces énergies extérieures qui vous bombardent. Il y a aussi les énergies intérieures qui vous bombardent. Vous partez à l'église comme ayant espoir que le pasteur ou le prêtre va trouver la solution à mon problème. Mais voilà le pasteur qui commence à vous donner la communion, le prêtre qui vous donne la communion avec un regard bizarre sur votre poitrine. Vous êtes déjà traumatisé. Voyez-vous, c'est autant d'éléments qui contribuent toujours à, on appelle ça comment? À une sexualité qui est complètement calboignée. Donc, pour me résumer, le stress lié au boulot, le régime barbare politique qui torture les populations. Vous êtes là, vous avez peur, vous êtes ministre. Vous vous demandez si vous serez le lendemain, c'est vous qu'on va virer. Parce qu'on vous demande de suivre une dictature. Et cette dictature vous dit, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Même si vous êtes jeune, rassurez-vous. Vous arrivez à la maison, maman va toucher rien, le démarreur, ça ne peut plus marcher. Voyez-vous? Donc, tout ceci fait en sorte que nous avons quand même des solutions. Nous, en tant qu'initiés, nous avons des solutions pour cela. Nous sommes conscients. qu'aujourd'hui, à l'ère du 5G, le 5G, comme vous le, vous, vous rappelez, que ça couvre, c'est ce qu'on appelle le Wi-Fi illimité. Le 5G va vous permettre d'avoir le Wi-Fi illimité. Ça vous permettra d'aller dans l'espace, partout. Vous pouvez avoir tout ce que vous désirez. Donc, voilà moi ce que je propose, donc, pour vivre scientifiquement dans la sexualité. Numéro 1. Le problème numéro 1, c'est la tête. Je vais plus revenir que le deuxième numéro, le deuxième point, c'est qu'il faut faire très attention sur votre régime alimentaire. Parce que si vous mangez gros, si vous mangez lourd, vous pouvez pas avoir une activité sexuelle normale. Là, je m'adresse aux hommes. Vous vous bourrez le ventre avec des bananes, vous bourrez le ventre avec le niembwe, ou bien le dika, rassurez-vous, même si vous ajoutez le vin, votre performance sexuelle sera nulle. Et je tiens ici à m'adresser aux jeunes femmes là. Parce que il y a quelques jours, je disais que voilà, j'ai mon certificat de l'Institut Johnson & Johnson, pouvez vous renseigner. Hein. Allez-y même sur Google. Johnson & Johnson, avant, ils étaient beaucoup plus spécialisés. Et ils le font jusqu'à aujourd'hui. Ils ont même des universités. Ils ont formé les premiers sexologues au monde. C'est la plus grande école de sexologie et de thérapie sexuelle. Beaucoup d'Américains reçoivent des certificats là-bas. Moi, j'ai suivi ça. C'est parce que depuis mon jeune âge, ma maman m'avait beaucoup éduqué sur les problèmes sexuels et puis la curiosité. Je lisais beaucoup les aventures de Zara. Zara, la femme, et puis l'enlère. L'enlère, le mec à la taille, toutes ces histoires-là. Donc, ma curiosité, depuis le jeune âge, m'avait amené à me rendre compte que c'est un don que j'ai. Donc, c'est comme cela. Quand j'étais ici aux États-Unis, j'ai profité à suivre des cours. Mais cela ne fait pas de moi un dépravé sexuel. Ça, c'est un. C'est très important. Et de deux, cela ne fait pas de moi un expert dans le lit. C'est différent. On peut avoir un diplôme en sexualité, on peut avoir un diplôme, je ne sais pas moi, en urologie, mais ça ne fait pas de vous l'homme le plus puissant. Vous avez des connaissances, certainement que vous avez expérimenté. Pour mon cas, oui, quand je vous parle du Kama Sutra Yoga, je l'ai expérimenté. J'avais choisi 150 positions. Bon, quand je vivais activement sexuellement, j'utilisais au moins 85. Ça, je l'ai expérimenté. Mais ça ne fait pas de moi un expert, ou bien moi je vois certaines femmes qui vont m'écrire, ah toi là tu fais le bruit, peut-être que tu ne vaux rien au lit. S'il vous plaît, évitez ça. On est ici, on passe des connaissances pour éduquer le peuple. Donc, ce que moi je suis en train de dire là, je ne vous ai pas dit que j'ai besoin des femmes pour pouvoir faire des expériences sexuelles. Loin de là. Je ne suis pas un dépravé sexuel, c'est très important. Mais, je ne suis peut-être pas docteur en sexologie. D'ailleurs, il n'existe pas de doctorat en sexologie pour vous être en formation. Il existe seulement ce qu'on appelle des certificats. Même en Europe, où j'ai suivi des cours par correspondance. Ici, à l'Institut Johnson & Johnson, j'ai suivi des cours. J'ai dit non, c'est vrai que j'ai des petites connaissances ça et là à travers les livres, mais j'aimerais suivre une formation. Donc, c'était cette parenthèse que je voulais ouvrir que, mesdames, mademoiselles, s'il vous plaît, je sais pas. Je ne vous empêche pas de fantasmer, je vous empêche pas d'avoir de vos idées dans votre cœur, mais pardon, évitez de m'adresser des correspondances que oh, là où je suis là, je ne vaux pas quelque chose. Je vous ai pas dit que je vaux quelque chose. Je ne vous ai pas dit non plus que je ne vaux rien. S'il vous plaît, évitez d'aller au bas de la culotte. On parle science. Pour clôturer sur le sexe, regardez, on a presque bientôt une heure là. Parlons donc de la sexualité. Voilà, nous avons trouvé des solutions. La première solution, il faut surveiller votre régime alimentaire. C'est très important. La deuxième solution, il faut aussi vous éduquer un peu. Vous éduquer par rapport au monde dans lequel nous vivons, parce que nous avons, comment on appelle ça? Nous sommes bombardés par pas mal de choses. Le monde dans lequel nous vivons vit à la vitesse de 5G, donc la vitesse de 5G. C'est pas pour rien que on vous parle de 5G là. 5G veut dire aller vite. Voyez-vous, on est parti de 4G. Oh non, ce n'est plus ça. Il faut aller là-bas. Il faut aller dans les planètes. Mettez-moi les satellites partout. Vite. Donc, le vite là, c'est ce qui entraîne le stress. C'est ce qui entraîne la libération de ces molécules négatives qui se heurtent avec des bonnes molécules qui créent ce qu'on appelle les radicaux libres ou des free radicals. Bien. Voilà pourquoi donc nous avons donc en place une technique. La technique, c'est ce qu'on appelle le 5G. C'est pas une technique. Voilà, je vais vous montrer. C'est ça. Vous voyez ce qui est écrit? 5G Male. 5G Male. Ce sont des docteurs, parmi eux, deux Ghanéens, trois Indiens, un Brésilien. Ils sont rentrés donc dans un laboratoire. Ils se sont rendus compte que mais c'est pas possible. Nous vivons dans un monde. Ils sont aussi aux États-Unis, hein. À Tennessee. J'ai été là-bas. Moi-même, je suis allé. Puisque je fais la promotion de leurs produits. Donc, en 1999, ils se sont assis, ils ont réfléchi, ils disent, mais c'est pas possible. On va prendre les Satambouanda, on va prendre les colas, on va prendre les petites colas blanches, on va prendre les colas rouges. Hein? Bon, je fais exprès pour exposer, hein? Moi je ne cache pas, puisque quand on parle de sexualité, vous connaissez cette cola. Ça, cette cola-ci, c'est un aphrodisiaque. La plupart des hommes l'utilisent, d'accord? La majorité. Je vois les magasins africains où je pars, c'est là-bas où j'ai vu ça. Bon, je vais essayer de l'ouvrir. Normalement, quand vous ouvrez, la peau, elle est toute blanche. Et vous consommez ça sans boire de l'eau, ventre plat, vous prenez. Mais sauf que ces effets, c'est seulement pour 24 heures. Après 24 heures, vous retrouvez votre état normal. Donc, il faut encore calboigner à cause des radicaux libres. Ensuite, vous avez la cola rouge. Vous la connaissez. Mais la cola rouge n'est pas beaucoup plus sexuée. Elle est beaucoup plus pour renforcer votre... booster, ce qu'on appelle accélérer votre... On appelle ça comment? Équilibrer votre... la pression artérielle, voilà. Par exemple, tous ceux qui souffrent des problèmes de tension, c'est pas moi qui le dis, vous pouvez aller faire une recherche Google, vous cherchez Bitacola, coma, donc virgule, Nigeria. Le Nigeria est le premier pays au monde à avoir développé la grande science derrière la cola rouge et derrière la cola blanche, et qui paraît même qu'ils utilisent ça comme des éléments même pour combattre le virus VIH. Bref, ça c'est autant des choses pour aider. Ce n'est pas permanent. Maintenant, donc je vous disais que mes amis scientifiques là se sont retrouvés en 1998. 10 ans plus tard, donc en 2009, ils ont sorti ceci. Ça s'appelle 5G. Vous voyez, on ne parlait même pas de 5G. À l'époque, mais eux, ils avaient déjà trouvé ça. Qu'est-ce que c'est 5G? Ce 5G, il avait dit quoi? Même si tu es fatigué, même si tu as 100 ans, ou bien même 18 ans, tu es stressé, la femme t'a giflé, ou même on t'a tué avec un coup de fusil. Si vous mettez ça dans le corps de ce mec-là, vous vous réveillez immédiatement. Et quelle que soit la forme de la femme, que ce soit l'aspect physique, que ce soit le visage, elle est belle, vilaine, grosse, petite, une fois vous prenez 5G, c'est fini. Alors que je vous dis, quand vous prenez les colas, quand vous prenez je ne sais pas quoi, même les Viagra, je vous avoue que je n'ai jamais essayé Viagra, moi c'est les témoignages des gens, mais il y a des gens qui m'ont dit que quand ils prennent le Viagra, parfois, rien, ça ne marche pas. C'est un temporel, vous allez voir des fois les grimaces de la femme, après là c'est fini, vous tombez carboigné. Mais, avec 5G, comme le mot le dit, quelles que soient les circonstances, vous resterez comme ça. Et c'est un tout petit comprimé, tout petit, que vous prenez le ventre plat, et ce comprimé, c'est en fait une gélule. C'est fait à base de plusieurs plantes. C'est une combinaison de près de 13 plantes. Ces plantes-là ont été extraites dans les pays que je vous ai cités là. Au Ghana, il y a même une qu'on a pris chez nous au Gabon, qu'on appelle Satambouanda. J'ai découvert, ça a un autre nom scientifique. Il y a le Maca, qu'on découvre au Burkina Faso et au Mali, d'accord, et au Sénégal. Et d'autres qu'on a pris en Inde. Donc, ils ont mélangé le tout, toutes ces plantes-là, ils ont mis ça en poudre. Toute cette poudre, donc, se trouve dans une petite gélule, toute petite. Ils appellent ça 5G. La boîte-là seulement coûte près de 300 000 francs CFA. Je dis bien 300 000 francs CFA pour 30 comprimés. Parce qu'un seul comprimé peut vous garder, peut vous garantir jusqu'à 6-7 mois d'érectabilité. Que vous soyez fatigué, il suffit de taper. Comme le médicament que j'avais vu là-bas à Mekambo, chez les Bakota, on appelle ça le médicament du maniocodeur. C'est un médicament quota, en réalité, qu'on donne aux hommes. Et quand on vous donne ça, même le jour où vous allez mourir, on est obligé d'attacher ça à la cuisse. C'est ça. Ça s'appelle tout est ou encore le maniocodeur. C'est-à-dire que quand on met le manioc dans l'eau, vous connaissez le maniocodeur, non? Quand on met ça dans l'eau, ça fait quoi? Ça gonfle. Donc, c'est un peu pareil. Voilà, ça là. C'est ce que les Blancs ont mis en place. Maintenant, moi, quelle est ma suggestion? Vais-je vous dire que allez-y prendre les 5G? Je dirais oui et non. Si vous voulez mon avis, je dirais non. Pourquoi? Voilà pourquoi je mets avec deux suggestions pour conclure. Un, vous voyez ça, c'est en anglais. Pardonnez-moi, c'est en anglais. How to use the Dianetics. Comment utiliser les Dianetics? Je vous avais dit, je suis le secrétaire général d'une grande religion bien reconnue, des multimilliardaires qui s'appelle la Scientologie. Et là-bas, on m'a appris comment purifier votre tête purifiez votre esprit. Ça s'appelle la dianétique, la technique de purification de votre corps, de tout ce qu'on appelle les engrammes. Les engrammes, si vous voulez, ça revient sur ce qu'on appelle les radicaux libres. Donc, ces engrammes-là, pour les enlever, voilà, je le fais. Jusqu'à présent, je suis certifié à le faire. Il y a certaines fois, je vais là-bas pour me faire un peu de sous. Ben, on me propose $150 l'heure. Et puis voilà, on me donne quelques clients. Je reste là 2 heures de temps. Je prends mes $300 et je rentre chez moi. Ce sont seulement les scientologues qui le font. Rassurez-vous, renseignez-vous partout. La dianétique. OK? Qu'est-ce qu'ils disent en bas? Get rid of the source of your stress, depression and insecurity. Learn how the dianetics works. Apprenez à vous en débarrasser du stress, en débarrasser de la déprime, de l'insécurité absolue qui bombarde votre corps et votre esprit et qui vous amène dans un état de dépendance totale de ces radicaux libres. Et ces radicaux libres portent atteinte à votre liberté, à votre vie et entraînent un dysfonctionnement total au point où votre alimentation est perdue, vous perdez l'appétit, vous n'arrivez plus à bien manger. Et quand vous perdez votre appétit, vous serez incapable de bien fonctionner. Vous ne pouvez plus apporter un rendement professionnel assez efficient. Votre patron va se plaindre, vous serez en train de somnoler. Et non seulement cela, votre sexualité va en pâtir. Et spirituellement parlant, comment pouvez-vous avoir espoir? Vous allez vivre dans le désespoir total ou vous allez perdre toute foi auprès des dieux ou des dieux ou des religions que vous croyez. Donc, conclusion, vous devenez finalement un rejeté de la société, un dépravé. D'où ma proposition d'utiliser la technique de la dianectique. Cette technique de la dianectique, comme je disais, c'est le nettoyage de votre âme, le nettoyage de votre corps, de votre cerveau. Ceci indépendamment de toute manipulation psychologique, indépendamment de toute invocation d'un Jésus ou d'un Dieu. Renseignez-vous, allez-y, Google, qu'est-ce que c'est la scientologie? C'est vrai, il y a des inconvénients parce que là-dedans, il y a l'esclavage, des techniques bizarres et des sexualités des enfants à bas âge, des conneries, des pédérasties. C'est ça qui m'a découragé de ne plus être membre à plein temps. Mais je suis le secrétaire général au niveau de l'Ohio. Oui, vous pouvez fouiller les archives. Monsieur Guy Onouvier, secrétaire général de la scientologie, depuis l'an 2004 dans l'État de l'Ohio. Le président à l'époque, c'était Monsieur John. On a enlevé Monsieur John. Aujourd'hui, c'est une dame qui s'appelle Teresa. Cette dame, nous avons une communication permanente. Elle veut m'offrir un poste, même un boulot là-bas, permanent. Vous partez à Columbus, au centre-ville, vous verrez Scientology. On occupe près de 4 étages. Bref, voilà l'une des solutions. Que des parties dans les 5G, que des parties dans les Viagra, que des parties dans les Cola. Mais il suffit de vous en débarrasser de tous les engrammes que vous avez en vous. Parce que la véritable solution est en vous. Et la solution qui est en vous, c'est quoi? C'est de réintégrer votre divinité supérieure en vous. Mais en réalité, cette divinité supérieure que vous pensez qui est hors de vous est en vous. Parce que vous, vous êtes une particule de la grande divinité. Vous êtes le soi inférieur qui, en réalité, étant une particule du Dieu suprême, comme le soleil qui fait partie, n'est-ce pas, de ces particules qui représentent son pouvoir et sa puissance, je fais allusion à l'énergie fondamentale, et que, là je parle en tant qu'homme spirituel pour conclure que c'est bien beau toutes ces histoires-là, les radicaux libres. Maintenant ceux qui sont très avancés, voilà la grande solution. Vous voyez ça? Ça s'appelle le livre de main. Ça, c'est l'héritage d'Hermès Trismégiste. C'est l'écrit et les écrits oraux. Là-dedans, je vous conseille ce livre. Vous pouvez peut-être l'avoir, Amazon, je ne sais pas trop. Donc, vous avez les notions des Ankh. Les Ankh, c'est autant des chapitres qui vous parleront même des 49 commandements. Intéressant. Des 49 commandements ou les 6 commandements de Math. Là-dedans, vous voyez cette croix et cette croix des Ankh. Et qui représente tout simplement la réintégration de votre divinité. Veuillez réintégrer votre divinité par la connaissance exacte. Comme je le disais à l'introduction, vivre scientifiquement, c'est vivre selon la connaissance. Car vous connaîtrez la vérité. Et je vous dis que cette quotation qui a été malencontreusement copiée, pour ne pas dire rattrapée par les chrétiens, en l'attribuant à Jésus, en réalité, c'est notre frère qui s'appelait Horus qui avait dit cela. En vérité, je vous le dis que lorsque vous connaîtrez la vérité donc va vous affranchir. Et dès lors que la vérité vous affranchit, pour ne pas affranchir, on peut dire la vérité va vous libérer. Mais cette libération qui va vous amener à la véritable liberté fondamentale, et ça va vous mettre en diapason direct avec l'être suprême. Voilà donc, pour résumer, l'enseignement aujourd'hui de comment vivre scientifiquement. Sur 3 plans. En réalité, je devais vous parler de 7 plans. Mais je parlais seulement de 3 plans. Je suis même pas rentré dans les détails, je vous en prie. Maintenant, les détails vont être développés dans ma chaîne YouTube. Je vous parlerai de comment vivre scientifiquement, par exemple, du point de vue alimentaire. Non, skip it. J'en avais déjà parlé. Mais là, je vais insister sur les prières. Je vais insister sur la sexualité. Et quand on parle de sexualité, ce n'est pas la pornographie. Quand on parle de sexualité, s'il vous plaît, je ne suis peut-être pas diplômé, je n'ai pas un doctorat, mais j'ai un certificat. Je sais de quoi je parle et c'est des choses que j'ai expérimentées. Je pratique le Kama Sutra Yoga depuis 1978. Donc, je sais de quoi je parle. Kama Sutra Yoga, c'est un yoga complexe sur la sexualité. À travers des positions, vous pouvez prévenir certaines maladies. À travers certaines positions, vous pouvez éloigner la malchance. À travers certaines positions, vous pouvez m'attirer la chance. Si vous êtes marié, que vous avez un problème d'emploi, vous avez perdu le boulot, je peux vous recommander Kama Sutra numéro 10. Il y a des numéros. Et c'est ça là, vous choisissez pour faire ça et vous verrez que ça va attirer la chance. Ça vous permet de vous connecter avec les entités de l'au-delà. Et Kama Sutra également peut vous permettre de rentrer en contact avec vos ancêtres. Je vous le dis parce que, voilà, vous voyez, je porte en moi deux symboles. Ça, c'est au Burkina Faso que j'ai reçu ça. C'est le pied d'un animal, mais je ne vais pas vous dire lequel. Et ceci, c'est quoi? C'est un truc que un maître tibétain m'a donné. Ça aussi, c'est une forme de 5G, donc de 5G. Ce 5G, c'est quoi? Et quand je graine, et je parle, je prononce des mantras. Donc cette prononciation des mantras me met en diapason direct avec le tout. Pour que je devienne un avec le tout, voilà la forme de serve de 5G la plus efficace et la plus rapide. Si je suis stressé, j'ai été injurié, j'ai vu quelque chose qui m'a dépassé, eh bien tranquillement, je ferme ma porte. Mais quand Jésus, le chrétien, dit que toi rentre dans ta chambre, ferme la porte, il ne s'agit pas d'une porte littérale. Donc vous vous fermez dans votre porte intérieure, même étant dans mon véhicule, dès que je finis de parler avec vous, je vais rester pendant une heure dans le silence, je rentre dans ma porte, je rentre dans ma chambre, et quand je rentre dans ma chambre, j'utilise quoi? J'utilise ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais visualiser. Je vais visualiser quoi? Mais il y a le soleil qui est là, donc je vais profiter de me baigner, faire un bain de soleil pour appliquer ma technique ancienne que j'ai appris de mes ancêtres depuis l'Égypte et même depuis le Congo bassin, hein, qui existe depuis près de 50 000 ans. Donc, le bain du soleil. Et quand je rentre dans ce bain du soleil, je demanderai à ce que tous les radicaux libres qui m'emmerdent là, les pensées négatives qui m'ont empoisonné la tête, les gouvernements, les persécutions des régimes barbares, des régimes des machins, ou bien des histoires politiques qui me dépassent, au lieu de s'engrainer et de se plaindre, être derrière la page Facebook, oh yayo, on a refusé d'enterrer mon frère, oh yayo, et qu'est-ce qui ne va pas, oh. Donc, tout ceci, je suis avec ceci, selon la méthode tibétaine, je connais les mantras et ces mantras vont attirer vers moi la sérénité, la paix, le calme absolu afin de retrouver le véritable bonheur. Parce qu'en réalité, le véritable bonheur, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et vous verrez que tout ce que vous désirez, vous l'aurez. Ça veut dire quoi? Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mais le royaume de Dieu, c'est l'ensemble des grandes béatitudes et des grandes qualités divines de Tetan Mwanga qui se résume en quatre grandes qualités. L'amour, la paix, la puissance et la justice. Mais dès lors que vous manifestez tout ceci, vous vivez en harmonie et en paix avec vous-même. Voilà, c'est ça la vie. Que Tetan Mwanga vous bénisse. Merci, bonne journée et retrouvons-nous peut-être vendredi ou samedi. Parce que vous connaissez ma règle, comment ça s'applique. Demain, là, je vais commencer le travail. À mon deuxième boulot là, parce qu'on m'a appelé là qu'il y a du désordre, il faut que je reprenne vite. Et donc, vous savez aussi que j'ai dit je ne parle pas. Donc, on se voit seulement vendredi. Que Tetan Mwanga vous bénisse. Un dernier message, parce qu'on m'a dit non, je ne dois pas parler de ça, mais c'est très important. Je vais passer ce message, puisque c'est ma page Facebook, que tous mes frères de la diaspora, de l'opposition, et même du régime en place, s'il vous plaît, je sais qu'il y a une nouvelle qui vous a mis mal à l'aise. Retenez-vous. Je ne veux pas parler de ça, vous savez de quoi je parle. Maintenant là, on va pleurer notre frère là-bas à Port-Gentil. Tout vous qui êtes à Port-Gentil, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, pardonnez-moi, je n'ai pas insulté quelqu'un. On m'a interdit de parler de ça et je vois la personne, elle est là. Mais je voulais seulement vous dire que ce que vous avez entendu, c'est vrai, oh. Donc, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Retenez-vous. C'est pas grave. Vivez seulement scientifiquement. Alors, retenez ce que j'ai dit dans la conclusion. Vivez scientifiquement. C'est tout ce que je peux vous dire. Aungwe, miabute buli gambanyino mane. Bon, ma mieni mane, gebo kambamye bono, mire na aungwe, were gongkwa, yono, mongge pangine nse. Ndo! Ma buli nyomane, ma yekamba. Ni ama makokolo, megi amane uponda mie. Doma butebulia dumane. Aungwe, mongi manji, na joho, elombeza poso wakumpungwe. Geze ligamba. Domi wazo. ebe bia ho ho romanji ambe romeze bia ho manji ane ma mena mieni nya beteme nujo gwani wa miwe ama makokolo wa yeto wa yebola mi nya maji ketete mwanga vu benis merci encore merci merci merci merci.